Stade.ch. Très bel après-midi, voici Histoire vivante jusqu'à 14h sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, le petit fait encore des siennes. La diplomatie et l'influence par le chéquier. On estime à peu près à 50 milliards de dollars les excédents financiers annuels du Qatar. Retour sur le Qatar. Qui cherchent à se positionner comme une puissance influente. Ils se disent que si les autorités du Koweït avaient organisé la Coupe du Monde en 1990, l'Irak ne les aurait pas envahis. C'est 1,7 million d'habitants, mais surtout 200 000 autochtones. Ce petit pays voit l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn rompre leurs liens diplomatiques avec lui. Il y a aujourd'hui des associations, des groupes qui, au nom d'une religion ou au nom d'actions caritatives, recueillent des dons privés qu'ils détournent. Si l'émir nous demande notre avis, alors on lui dit sincèrement notre avis. Et s'il ne vous pose pas la question, vous gardez votre avis pour vous, il ne compte pas. Que dire de la population autochtone du Qatar? Comment est-elle composée? Que sait-on d'elle? Quelle place tient-elle aujourd'hui dans un pays largement ouvert à l'immigration? Comment les clans sont-ils organisés? Comment se pratiquent les jeux d'alliance? Quel rôle joue aujourd'hui Al Jazeera? Comment la chaîne Qatari supporte-t-elle la concurrence qui s'est désormais mise en place? Ce sont là quelques-uns des sujets qui seront abordés avec notre invité d'aujourd'hui, le chercheur Karim Sader. Karim Sader, bonjour, on vous dérange en plein café que nous sommes en train de prendre pour cet entretien. On vous avait déjà reçu avec grand intérêt pour notre semaine en fin d'année 2013 autour de la Syrie. Et comme nous avions eu lors de cet entretien l'occasion de parler du Qatar, nous nous étions promis l'un et l'autre de nous revoir et de reparler à nouveau. Ça va être le cas aujourd'hui puisque vous le savez, cette semaine, nous nous occupons du Qatar. Avant peut-être avec vous de plonger trop rapidement dans la politique, dans ce cas-là de plus contemporaine, j'aimerais, si vous en êtes d'accord, qu'on prenne un petit peu de champ de recul de deux points de vue, à la fois du côté historique, mais surtout du côté des gens. La politique, c'est une chose, les gens, c'est quand même peut-être une priorité. Puisque l'image que l'on a du Qatar est celle d'une sorte de bulle soudaine faite d'immeubles plus modernes les uns que les autres, on a l'impression que les traces d'une société traditionnelle sont quelque peu absentes. Alors, est-ce une très mauvaise vue et qu'il faut que je fasse changer mes verres? Y a-t-il encore traces? Et s'il y a eu d'évidence société traditionnelle, quelle était-elle? De quoi était-elle constituée? On en viendra après dans le cours de l'entretien là, à aujourd'hui et la politique de maintenant, mais en commençant par ça et en essayant de voir également dans quelle mesure cette société traditionnelle aujourd'hui résonne et de quelle manière dans le Qatar d'aujourd'hui. Alors d'abord bonjour et ravi à nouveau de participer à votre émission. Écoutez, pour ceux qui s'intéressent, ils se sont penchés sur la question du Qatar comme moi depuis pas mal d'années, il y a un mot qui revient pour illustrer, on va dire, cette fulgurante ascension de ce minuscule émirat gazier, c'est le mot de paradoxe. Vous l'avez très bien souligné, effectivement, et vous avez abordé une des facettes du Qatar, celle que il veut montrer à la face du monde occidental en particulier, c'est cette image d'un émirat moderniste, avec un développement, des constructions, etc., qui est une image très réussie de la part des autorités qataries. On va y revenir. En revanche, effectivement, c'est méconnaître la société qatarie que de penser qu'elle a suivi cette marche du développement, cette marche forcée en quelque sorte par un régime autoritaire, il faut le dire, une monarchie absolutiste. Un régime pressé, qui plus est. Voilà, donc pressé, effectivement, cette boulimie financière, diplomatique des Qataris. Quelque part, le pouvoir a toujours eu une certaine prudence et une attention sur sa population qui est majoritairement traditionnaliste, imprégnée de wahhabisme, c'est-à-dire cette doctrine rigoriste de l'islam sunnite qui prêche donc la pratique d'un islam originel, entre guillemets, un islam authentique. Et effectivement, la force, en quelque sorte, de ce pouvoir qatari, de ce régime, qui est l'œuvre, en quelque sorte, de celui qu'on peut appeler aujourd'hui l'émir sortant, le cheikh Hamad bin Khalifa, donc qui a cédé le trône à son fils, a justement réussi à jongler avec cette contradiction. Il a quand même été avantagé, il faut le dire, et mettre un bémol, par une société quand même assez particulière. Le Qatar, il faut remettre les choses à leur place, hein. C'est 1,7 million d'habitants, mais surtout 200 000 autochtones. Et encore, les autorités gonflent ce chiffre. Je pense qu'ils n'atteignent même pas le nombre de 200 000. Tout ça pour dire que quand vous êtes doté des richesses gazières que l'on connaît, puisque le Qatar partage avec l'Iran le plus important gisement gazier offshore, qu'on appelle du côté qatari Northfield et du côté iranien South Pars. Donc quand vous êtes assis sur ces troisièmes réserves mondiales de gaz et que vous avez simplement 200 000 à peine autochtones dont le PIB par habitant dépasse celui du Luxembourg, donc à peu près 102 000 dollars par tête, disons qu'il est assez aisé de contrôler cette population et de la satisfaire d'abord par la richesse matérielle. Et là, je dresse le parallélisme, bien sûr, avec le grand frère saoudien, voisin, qui, lui, doit gérer une population beaucoup plus importante et, quelque part, jouer ce jeu de concession avec la population par un jeu de redistribution de la manne pétrolière qui est beaucoup plus compliqué dans le cas d'une société comme la société saoudienne que dans celle du Qatar. Donc. Et justement, puisque mais j'ai réemprunté probablement votre mot fétiche, paradoxe, là encore on peut voir un paradoxe, comment expliquer une démographie aussi mesurée à l'instar du revenu par tête d'habitant? Il n'y a pas une contradiction? Oui, ben le Qatar déjà c'est je pense 11 500 km². Donc c'est un pays à l'origine qui fut le territoire, on va dire, de la piraterie. Les ancêtres des Qataris actuels étaient des pirates, figurez-vous, des pêcheurs de perles. Et donc après la crise de l'industrie perlière et la découverte ensuite de l'or noir, et dans le cas du Qatar, son or noir c'est le gaz en particulier, vous avez eu un développement assez fulgurant. Le Qatar, quand l'émir, donc l'ancien émir désormais Hamad, prend le pouvoir en 1995, sa marge de manœuvre est très réduite. Le Qatar est à peine du pétrole, son industrie gazière est balbutiante, on n'a pas encore découvert les gigantesques réserves que l'on connaît celle-là. Au moment où Hamad prend le pouvoir. C'est pour ça que cette success story, elle a quelque chose d'assez fascinant, justement, parce que on a un émir qui prend le pouvoir, qui coïncide, en tout cas, sa prise de pouvoir coïncide avec, justement, ses découvertes et ses premières exploitations gazières. Mais on est dans le concours de circonstances? Plus ou moins, oui. Ouais. Oui. On est dans le concours de circonstances. Et justement, c'est ça tombe à point nommé pour cet émir qui, lui, au contraire de son père, nourrit les ambitions les plus folles. D'abord sur le papier, hein, au moment de prendre le pouvoir et de renverser son père par un coup d'état pacifique. Vous savez, j'aime raconter cette anecdote au sujet donc de Hamad, donc qui a passé la main à son fils aujourd'hui. À l'époque où il était prince héritier, il faisait sa formation militaire, comme il est de tradition chez les jeunes princes du Golfe, en Grande-Bretagne, à l'académie de Sandhurst. Et au cours d'un déplacement Doha-Londres, un des douaniers britanniques manipulant son passeport au contrôle lui a demandé « Mais pardon, cher, c'est où Qatar? C'est quoi? C'est un pays? Ça se trouve où ?» Et ses proches rapportent, c'est très significatif d'ailleurs comme anecdote, de l'état d'esprit qui va suivre, qu'il s'est senti profondément humilié par cet incident et qu'il s'est juré de montrer à la face du monde où se trouve le Qatar, Paris largement rempli aujourd'hui, quand on voit quand même les exploits. Je ne parlerai pas pour l'instant des zones d'ombre, hein, je pense qu'on va l'aborder, mais en tout cas de cette fulgurante ascension du Qatar qui a, ne serait-ce que, je cite peut-être l'événement qui parlerait le plus au public, réussi à ramener l'organisation de la Coupe du Monde aux Arabes, aux musulmans. Et ça, c'est par la voix d'un des plus petits pays du monde arabe, c'est une victoire pour le Qatar. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Qatar cherche à briller à l'international, mais il cherche d'abord aussi à briller auprès de la rue arabe. D'où son rôle d'ailleurs dans les printemps arabes. Mais peut-être que là. Cela dit, Karim Sader, il était peut-être tombé, ce cher, sur un douanier britannique amnésique. Parce qu'il y a quand même une longue histoire commune entre le Qatar et la Grande-Bretagne, bien sûr, le royaume. Bien sûr. La présence britannique dans ces pays, donc, a duré jusqu'en 1971. Donc, date à laquelle les Britanniques, n'ayant plus besoin de contrôler la route des Indes, se retirent d'ailleurs de manière un peu précipitée, en négligeant de certains conflits frontaliers qui vont d'ailleurs mener à des conflits entre les pétromonarchies du Golfe. Mais effectivement, il y a une longue tradition dans les relations entre le Qatar. Mais il faut pas oublier que jusqu'à l'arrivée au pouvoir du Qatar, et c'est là le rôle qu'a joué le Qatar à l'échelle régionale. Quand on parlait pays du Golfe, on pensait d'abord à l'Arabie Saoudite. 80% de la péninsule arabique est occupée par le grand royaume wahhabite, qui plus est premier producteur mondial de pétrole, et regardant toujours avec le regard, les yeux du suzerain, ces petites pétromonarchies considérées comme des vassaux et qui justement ont été donc sous le joug saoudien pendant des années. Et le Qatar est le premier pays, avec l'arrivée du Cheikh Hamad et ses ambitions démesurées sur le plan diplomatique, est le premier pays à réussir à faire de l'ombre à ce grand frère saoudien. Donc il était, à l'instar des autres monarchies, dans l'ombre du grand frère saoudien. Précisément sur la relation avec l'Arabie Saoudite, il faut que vous nous expliquiez, Karim Sader, c'est quelque chose qu'on a un peu de mal à saisir, en tout cas je mets un « nous » collectif. Arabie Saoudite et Qatar, c'est le wahhabisme. Y a-t-il deux formes de wahhabisme qui sont pratiquées ici et là? Et sinon, comment comprendre ce qui, par ailleurs, pourrait faire union, créer autant de divergences entre ce géant et ce petit? En théorie, il n'y a pas de wahhabisme, ou trois wahhabismes. Le wahhabisme, c'est retour à l'islam originel, et justement... formulé au XVIIIe siècle, et qui... Et qui doit être, en théorie, encore une fois, maintenu tel quel. En revanche, sur le plan politique, on va dire diplomatique, le Qatar a compris qu'il avait les moyens, dans ce XXIe siècle, le Cheikh Hamad, encore une fois, que je considère comme un souverain tout à fait avant-gardiste dans la région, comprend, quand il prend le pouvoir, on est à la fin du XXe siècle, donc à l'aube du XXIe, c'est la fin de la guerre froide, de la bipolarité, on est à l'ère de la globalisation. Il a la trentaine, il est jeune, il ne supportait pas les méthodes de son père qui, lui, justement, avait choisi de se mettre dans l'ombre des grandes puissances, parce qu'il faut toujours quand même rappeler aux auditeurs où se trouve le Qatar. Ce petit territoire à peine plus grand que la Corse est coincé entre deux mastodontes régionaux, le grand frère saoudien wahhabite, qui ne lui veut pas que du bien, et le grand cousin iranien chiite, avec justement son expansionnisme et ses ambitions régionales, qui plus est marquées par l'antagonisme donc sunnite-chiite. Donc ce Qatar comprend cet émir, aidé, il faut le dire, par son cousin et oncle par alliance qui est Hamad Ben Jassem, que surnommé dans les chancelleries occidentales HBJ. Très important de mentionner ce personnage qui est aujourd'hui dans l'ombre, pour des raisons différentes, on reviendra, et qui aide l'émir à prendre le pouvoir. Là où je disais que Hamad et son cousin ont été avant-gardistes, c'est qu'ils ont compris que dans ce monde post-guerre froide, la puissance d'un État ne se mesure plus à la capacité militaire uniquement, ou à l'étendue de son territoire, ou à sa démographie. On est à l'ère du soft power, donc. Et les Qataris vont appliquer à merveille ce concept élaboré par Joseph Nye, donc du soft power, de la capacité d'un État à briller par sa force de frappe financière, par les nouvelles technologies d'information de communication. Et les Qataris finissent par élaborer un nouveau modèle que j'appellerais le modèle du wahhabisme du XXIe siècle, qui se veut le concurrent de cette vieille gérontocratie saoudienne. Vous savez, cette Arabie saoudite, incapable de se réformer, une monarchie vieillissante, prise dans des conflits autour de la question de la succession, avec son partage successoral horizontal, c'est-à-dire les frères se succèdent les uns après les autres, donc on a des vieux rois à la santé fragile, qu'ils sont plus à l'écoute d'une population jeune aujourd'hui, 40% de la péninsule arabique à moins de 15 ans. Et donc, bien sûr, connectés aux technologies d'information de commission, qui sait comment ça se passe dans le monde. Et les Qataris veulent justement devenir ce nouveau pôle, c'est-à-dire rivaliser avec l'Arabie Saoudite, non pas par l'étendue du territoire, c'est pas possible, ou par la capacité militaire, c'est pas possible non plus, mais par ce soft power, cette aura justement, cette influence, de pouvoir montrer un modèle du wahhabisme du 21e siècle, ce que j'appellerais même un réel islamisme. Corrigez-moi si j'ai mal compris, ce qui veut dire que l'opposition entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, c'est le Qatar post-1995. Absolument. Ouais. Jusque avant la prise donc de pouvoir de Hamad Ben Khalifa, on n'aurait pas pu imaginer un seul instant que ce micro-émirat soit un jour capable de rivaliser avec le premier producteur mondial de pétrole et surtout, j'insiste sur ça, le gardien des lieux saints de l'islam. Parce que l'Arabie Saoudite tire sa légitimité du fait religieux, sa suprématie régionale, du fait qu'elle abrite le lieu saint de l'islam, la Mecque, et le Qatar, justement, farouchement toujours attaché à cette identité wahhabite, veut montrer, lui, qu'il est capable d'incarner ce wahhabisme, mais à l'heure du 21e siècle, c'est-à-dire avec une population jeune, un renouvellement générationnel, et peut-être que je dépasse un petit peu le débat, mais le coup de communication, c'est comme ça que je l'appellerais, de la passation de pouvoir à laquelle on a assisté en le juin dernier. Le coup, c'est OUP ou c'est OUT? Alors, c'est OUP. Mais pour une fois, au Qatar, ce n'est pas un coup d'État. C'est un coup de communication, parce qu'il faut savoir quand même que les Qataris, dans la famille, se sont souvent renversés. L'ancien émir aujourd'hui avait renversé son père, qui lui-même avant avait renversé son frère. Donc c'est une longue tradition de coups d'État, toujours pacifiques, mais disons que le danger chez eux vient toujours de l'intérieur du palais, et non pas du peuple. Et quand l'émir Hamad choisit de donner le pouvoir à son fils en juin, c'est un excellent coup de communication, parce que il est le premier souverain du Golfe à passer le pouvoir à son fils de son vivant, et ne pas s'accrocher à son trône et mourir dessus. Et ça, c'est encore une fois un tacle à l'Arabie Saoudite, qui, elle, de son côté, est empêtrée, je vous disais, s'enfonce dans cette succession sans fin, ces luttes de succession sans fin, avec des vieux rois à la santé fragile. On sait quand même que le roi Abdallah aujourd'hui est âgé de 95 ans, et que son prince héritier en a 89, et qu'il est atteint également d'une maladie. Voilà le message que veut adresser le Qatar à l'Arabie Saoudite, mais toujours sur un jeu subtil, parce qu'il n'est pas question non plus de se mettre à dos l'Arabie Saoudite, et on voit aujourd'hui qu'avec la passation de pouvoir qui a eu lieu, l'agenda du nouvel émir, donc il faut le nommer maintenant Tamim, parmi ses priorités, c'est de maintenir des relations le plus cordiales possible avec l'Arabie. Karim Sader, quand l'échelle démographique est à ce point petite, il paraît plus plausible de pouvoir la présenter. On a déjà une première représentation, c'est celle d'une jeunesse importante. Les autochtones, à peu près 200 000. On sait qu'il y a aussi beaucoup de travailleurs, on va avoir l'occasion d'en parler. Absolument. Mais est-ce qu'il y a encore d'autres constituantes sociologiques qu'il faudrait arriver à situer? Le Qatar, je parle pour l'instant d'abord de la population autochtone, donc des Qataris de souche, comme on dirait, se compose de grands clans, de familles, de grandes familles qui plus ou moins s'allient les unes avec les autres. Vous avez grosso modo donc le clan El Thani, qui est descendant des Bani Tamim, donc qui sont une tribu de la péninsule arabique, et cousine d'ailleurs de celle des Saouds, qui est originaire du sud de l'Irak, qui, faut le dire, à l'instar des autres dynasties régnantes du Golfe, n'ont réussi à s'accaparer le pouvoir qu'à partir du moment où ils ont eu la manne énergétique. Et ceux qui gouvernaient économiquement ces principautés du Golfe, donc dont le Qatar, c'était une notabilité assez ouverte vers l'Occident, et qui vivait donc du commerce de des perles, etc. Jusque-là, la famille souveraine n'avait pas ce pouvoir. À partir du moment où les dynasties du Golfe ont réussi à mettre la main sur cette manne pétrolière, avec passant des accords avec les majors donc internationales, les compagnies pétrolières, ils ont réussi à instaurer ce qu'on appelle la réal politique. rial, donc la monnaie saoudienne, c'est-à-dire l'achat de la paix sociale et de l'allégeance par la manne pétrolière, par les pétrodollars. Mais forcément aussi la convoitise. Oui, mais en se constituant un pouvoir sécuritaire, en fortifiant les palais et en, encore une fois, en distribuant, redistribuant correctement et là où il faut de manière stratégique. Alors c'est pas fait toujours correctement. En tout cas, c'est parfois aux dépens du peuple, mais d'un point de vue, on va dire cynique, c'est assez bien réparti de manière stratégique pour qu'il n'y ait pas de contestation. Dans le cas du Qatar, si vous voulez, aujourd'hui, les familles héritières de cette notabilité qui s'est retrouvée en déclin, justement, aujourd'hui occupent les milieux d'affaires. Donc vous avez le clan El Thani, et autour du clan El Thani gravitent d'autres clans comme les Atiyeh, qui sont une des familles les plus puissantes. Le ministre, on va dire, de l'énergie, artisan du boom énergétique du Qatar pendant 20 ans, était un Atiyeh. La mère de l'émir était une Atiyeh, de l'émir Hamad, donc l'émir sortant aujourd'hui. Donc c'est un clan très puissant et vous avez eu des jeux donc d'alliances entre différents clans qui gravitent autour du clan El Thani. Comment ça se pratique ce jeu d'alliance? Est-ce que c'est un jeu violent? Est-ce que c'est un jeu subtil et qui reste quand même plutôt pacifique? Alors on a eu des phases quand même où il y a eu quand même quelques où c'était plus musclé. La température tout d'un coup était plus élevée. Voilà. D'ailleurs on avait appelé une génération des princes rouges, justement, une branche de la famille qui a souhaité renverser l'émir, donc ça c'était il y a une cinquantaine d'années. Bon, tout ça se négocie de manière subtile par un jeu de chaises musicales, c'est-à-dire qu'on place certaines personnes, on les gratifie de certains postes. Le Qatar, c'est un grand coffre-fort qui est important, qui génère tellement d'argent, donc quand on voit aujourd'hui, pour revenir au présent, le jeune émir qui a accédé au pouvoir, Tamim, on voit comment il a bien placé différentes composantes de l'élite qatari à certains postes stratégiques pour ne pas se les mettre à dos. Donc vous avez le secteur pétrolier, mais également le secteur des infrastructures qui génère beaucoup d'argent, les contrats, etc. Donc tout ça se fait de manière négociée. Mais si vous voulez, aujourd'hui, avec l'immense success story que le Qatar a connu grâce à Hamad El Thani, donc au clan El Thani sous le règne de Hamad, vous avez quand même une large frange de la population qui nourrit de ce sentiment de fierté nationale. Il faut comprendre ce que j'appellerais le complexe qatari, d'être un si petit pays coincé autour des... et avoir un émir qui a réussi à montrer à la face du monde qui ils sont, ramener la Coupe du Monde, s'ingérer dans les théâtres des printemps arabes, avoir la chaîne satellitaire qui a eu tel succès. Donc il y a ce sentiment de fierté nationale qui crée une solidarité incontestable de la population autour de son émir, autour de ce clan, et bien sûr avec, on revient encore, la manne économique qui est bien répartie au Qatar grâce à cette démographie assez facilement maîtrisable. قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي إنه لا حاجة لأي محادثات مع السعودية من أجل إنهاء الحرب في اليمن. صادقة لكنهم منافقين. لو كانوا صادقين فقط توجيه محمد بن سلمان ومحمد بن زايد أوقفوا الحرب. أخي الفاضل، الآن الإمارات تتعرض لضغوط كبيرة من قبل أمريكا ومن قبل بريطانيا ومن قبل إسرائيل للاستمرار في الحرب، وهذا الشيء يعرفه الجميع. ختام هذه النشرة قدمناها لكم من الجزيرة. السلام عليكم. Karim Sader, il semble qu'avec la fondation d'Al Jazeera, on ait affaire en quelque sorte à quelque chose qui ressemblerait fort à du service public. Car au fond, c'est une chaîne qui ne cache en aucun cas son intention propagandiste et c'est au service d'un État, principalement. Alors, cette approche-là vous paraît-elle admissible? Oui, tout à fait. Elle est réaliste en tout cas. Vous savez, j'aime bien les anecdotes, donc je ne peux pas résister à vous raconter celle-ci. Vous savez, lorsque en 95, donc Hamad renverse son père, qui était d'ailleurs en Suisse. Alors le lendemain, vous savez, le coup d'État donc pacifique a lieu à l'intérieur du palais. Hein. Il annonce à son père, il annonce même pas, il l'apprend à la radio. Je ne sais pas si c'était la RSC, votre radio, mais il apprend sur les ondes de la radio que voilà, le fils a pris le pouvoir. Ce qui est intéressant, c'est qu'au Qatar même, les gens allument la télé, les Qataris allument la télé le lendemain, et ils voient des images en mute, donc sans son, du nouvel émir qui se faisait adouper, embrasser la main par tous les dignitaires du régime. Et en réalité, pourquoi ça a été mis en mute cette image? Parce qu'en fait, c'est pas du tout l'image du coup d'État, c'est une image, des images bien plus anciennes qui montraient le, tout simplement une réception où des dignitaires venaient saluer celui qui était encore le prince héritier. Et tout le monde a avalé l'histoire. Et si vous voulez, très vite l'émir comprend, le nouvel émir donc comprend que la force que peut avoir les médias, justement pour accroître son pouvoir et après ensuite l'aura diplomatique du Qatar. Il faut pas se voiler la face. Le Qatar est lapsus révélateur. Al Jazeera est clairement le bras diplomatique du Qatar. C'est le pilier justement principal de ce soft power, justement cette capacité du Qatar à briller au-delà de ses modestes frontières. Il faut dire encore une fois, et là j'insiste encore sur le côté avant-gardiste de cet émir, lorsque Hamad crée Al Jazeera en 1996, donc le champ médiatique moyen-oriental et golfe en particulier, surtout golfe, est marqué par des chaînes traditionnelles, des chaînes d'État, hein, où les programmes sont verrouillés, il n'y a pas de femmes à l'antenne pour la plupart du cas. Je parle bien du golfe, hein, je parle pas des chaînes du Moyen-Orient, Liban, etc. Et bien sûr, ces chaînes répondent à censure en permanence et Al Jazeera va révolutionner le champ médiatique. Les téléspectateurs du Golfe sont absolument révolutionnés par cette chaîne qui donne la voix aux opposants. Alors, pas les opposants qatariens, faut être clair là-dessus, mais les opposants saoudiens, qui avec ces speakerines qui ne sont pas voilées, avec cette côté un peu à la CNN, assez donc sensationnel. Sa couverture des conflits, donc chaîne d'information continue, et puis surtout ce qui va donner du succès à Al Jazeera, c'est sa couverture des conflits israélo-palestiniens d'abord, et ensuite des conflits afghans-irakiens, c'est-à-dire l'invasion, la double invasion de l'Afghanistan et de l'Irak en 2002-2003 par les États-Unis et l'OTAN. Donc Al Jazeera va gagner le cœur d'une rue arabe. Par l'émotionnel. Par l'émotionnel, absolument. Justement, en jouant sur cette carte à forte charge émotive, qui est la question palestinienne, du peuple palestinien, alors à grand renfort d'images, choc. Et quand on regarde Al Jazeera, je conseille pas en particulier, couvrant un conflit, on voit bien qu'il n'y a aucune éthique en termes de couverture du conflit, j'entends par là, c'est-à-dire aucune pudeur dans les images. Plus l'image est trash, pardonnez-moi l'expression, et plus c'est ce qu'il faut, justement. Ce qui est intéressant à ce propos, c'est que grâce à Al Jazeera, les autres régimes, voulant justement contrecarrer Al Jazeera, ont suivi la tendance et ont créé ces chaînes donc d'information en continu révolutionnaire, et je pense en particulier à l'Arabiya. Et donc, il y a l'équivalent d'Al Jazeera version saoudien. Et finalement, le Qatar se voit récompensé puisqu'il a réussi à faire marcher cette locomotive de la réforme du champ audiovisuel. Alors, petite précision également. Lorsque Al Jazeera naît et évidemment donne la parole aux opposants saoudiens, par exemple, ce qui hérite au plus haut la monarchie saoudienne, cette petite grenouille qui se croit plus gros que le bœuf vienne empiéter comme ça sur son territoire et sur sa suprématie, va en fait, les Saoudiens contrôlant les régies publicitaires vont étouffer, tenter d'étrangler économiquement Al Jazeera, et c'est pour ça qu'Al Jazeera dépend économiquement de l'État du Qatar. Et si vous regardez les pages de pub d'Al Jazeera, c'est Qatar Airways, Qatar Petroleum, Qatar Gaz, donc tout est entièrement sponsorisé et financé par l'État du Qatar. Qui la dirige actuellement, la chaîne? C'est un cousin à l'émir, de l'émir, qui la dirige. Donc il n'y a pas de secret, hein, Al Jazeera, qui est une annexe pour moi du ministère des Affaires étrangères qatari, bien contrôlé par le clan El Thani, par la famille régnante. Demain, la suite de cette évocation avec un nouvel invité, le politologue Sébastien Abyss. Histoire vivante vous a été présentée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté, dans lequel vous retrouverez demain d'autres développements du sujet. Assistana de production, Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.